Selon la logique immarcescible conjuguée du temps et de l'agenda médiatique, après 2019 vient 2020. Et après l'heure du bilan vient celle des perspectives. Nous allons donc au cours de cette heure nous projeter dans l'année scientifique qui s'ouvre et examiner quelques-uns des temps forts qui sont à prévoir dans les mois qui viennent. Nous parlerons ainsi du retour de la sonde Hayabusa 2 et de sa collecte d'échantillons d'astéroïdes, de la seconde phase du projet 5300 qui étudie la vie à haute altitude, du devenir de l'étoile Betelgeuse qui va peut-être exploser en supernova, mais aussi du futur LHC et de l'avion supersonique quasi silencieux. Une année pleine de science, c'est le programme projectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et ils sont là, bon pied, bon oeil, pour une nouvelle année, pour nous annoncer haut et fort ce qui va advenir dans le futur. Nos visionnaires de choc, qui sont venus avec le nécessaire à prévision scientifique, boule de cristal, tarot mystique et entrailles de poisson, ce qui a une atmosphère un peu chargée à l'air du studio. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Du magazine Science et Vie, nous sommes ravis d'accueillir pour la nouvelle année une nouvelle voix. Marion Sabourdi, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes chargé des nouveaux médias à la Casemate, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble. Mais avant de nous projeter dans le futur, nous restons encore quelques minutes dans le présent de l'actualité scientifique de la semaine avec celui qui peut pourtant prédire l'avenir dans les rognures d'ongles de pied. Ah, non. C'est Antoine Beauchamp pour le bonjour journal des sciences. Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec une découverte en éthologie. Les perroquets gris du Gabon font preuve d'altruisme. Oui, on savait ces perroquets doués d'intelligence pour résoudre certains problèmes lors d'expérimentations, au point qu'on les surnomme les singes à plumes. Avec les corps vidés, ils font partie des oiseaux aux capacités cognitives les plus développées. Mais alors que les corbeaux et autres corneilles n'ont jamais montré lors d'expériences qu'ils étaient capables d'aider leurs prochains ou d'avoir un quelconque comportement altruiste, les perroquets gris du Gabon viennent de le prouver. C'est ce que rapporte une étude menée par des chercheurs de l'Institut d'ornithologie Max Planck en Allemagne. Dalila Beauvais est enseignante chercheuse au laboratoire Éthologie, Cognition et Développement à l'Université Paris-Nanterre et elle étudie tout particulièrement les perroquets gris du Gabon. Dans l'étude qui vient de paraître, ils ont la possibilité au départ d'échanger des jetons avec un expérimentateur. Donc le perroquet donne un jeton et l'expérimentateur lui donne un morceau de noix. Ça, c'est pas nouveau, on peut entraîner beaucoup d'animaux à faire ce genre de tâches. Et là où ça devient intéressant, c'est quand il y a deux perroquets qui sont côte à côte. L'un a accès au jeton, mais a l'accès vers l'expérimentateur bouché, donc il ne peut pas les donner à l'expérimentateur. Et par contre, il peut donner le jeton à son copain, ou enfin en tout cas au perroquet qui est à côté, et le perroquet à côté va ensuite donner le jeton à l'expérimentateur, puisque au départ, ce perroquet-là n'avait pas de jeton. Et c'est le perroquet qui a donné le jeton qui reçoit la récompense, donc le morceau de noix. Ce qui fait qu'on a un perroquet qui agit de façon altruiste, puisqu'il va prendre les jetons que lui, il a, pour les donner à l'autre perroquet, sans rien recevoir en retour lui-même. Et tout ceci sans être entraîné à le faire. Ça pourrait être le véritable altruisme tel qu'on l'imagine chez l'humain, c'est-à-dire le fait de vouloir que l'autre reçoive quelque chose, comprendre que l'autre a envie d'avoir la récompense. Et ça semble être en bonne partie en tout cas le cas, puisque ce qu'ils ont observé aussi, c'est qu'ils ont fait varier la relation entre les deux individus. Et quand ce sont deux individus qui ont une relation proche, affiliative, frères et sœurs, etc., le transfert de jetons se fait encore plus. Donc il semble y avoir vraiment une motivation à apporter quelque chose à un congénère avec lequel on a des liens forts. Après, les auteurs de l'article disent que ça pourrait être aussi le fait de montrer qu'on est altruiste, ça pourrait être aussi une façon de se faire valoir. Les perroquets de cette espèce-là sont des perroquets gris du Gabon, en nature, vivent en petits groupes. Ça peut être intéressant pour eux, effectivement, de montrer leur capacité à éventuellement coopérer avec les autres. Voilà, si vous voulez voir des vidéos de perroquets gris du Gabon en train de se donner de manière altruiste des jetons, eh bien c'est sur le fil Twitter de l'émission où vous avez comme tous les jours des liens vers les études, les articles qui sont cités dans le journal des sciences ainsi que dans le reste de l'émission sur le compte @laméthodefc que vous pouvez retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En bref maintenant Antoine, on a trouvé un continent sous la surface de Mars. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus des planétologues français et américains qui ont constaté, grâce aux données relevées par Curiosity, une anomalie dans les hautes terres de l'hémisphère sud de Mars. Cette anomalie est un bloc crustal, autrement dit une croûte martienne, qui s'étend sur une région une fois et demie plus grande que l'Europe. En certaines régions, cette croûte a une épaisseur dépassant les 50 km et on y relève des anomalies magnétiques et géochimiques identiques à celles observées sur Terre au niveau des cratons continentaux qui sont les zones d'accrétion des microcontinents. Cette étude parue dans Nature Geoscience relance le débat sur les mécanismes de croissance crustale et d'une possible tectonique des plaques sur Mars. On a retrouvé un morceau de cerveau humain vieux de 2600 ans. Oui, en 2008, des archéologues britanniques découvraient le crâne d'un homme décapité non loin d'York en Angleterre à une date comprise entre 673 et 482 ans avant notre ère. Et, surprise, en sondant ce crâne, les chercheurs ont constaté la présence de morceaux de cerveau dont on ignore encore comment ils ont pu être conservés. En effet, après la mort, se produit habituellement ce qu'on appelle l'autolyse, une nécrose tissulaire qui détruit les protéines et les lipides, et cette autolyse est habituellement très rapide pour le cerveau. Selon les chercheurs, l'action des enzymes qui auraient dû dégrader le cerveau a été, je cite, inhibée par un composé inconnu qui, de l'extérieur, a pénétré dans les structures profondes du cerveau. Les scientifiques cherchent maintenant à savoir si cette conservation est liée aux conditions d'inhumation, voire à un rite funéraire. Et on poursuit ce journal avec notre deuxième sujet du jour en lien avec la thérapie génique basée sur les vecteurs viraux adéno-associés. Oui, on en parlait dans l'émission que nous consacrions il y a peu à ce sujet. La question des vecteurs est cruciale pour l'efficacité d'un traitement par thérapie génique. Les vecteurs viraux adéno-associés, les AAV, dérivent d'un virus baptisé adénovirus et ont été transformés pour s'adapter aux besoins de la thérapie génique. Au cours du dernier congrès annuel de la Société américaine d'hématologie, une présentation qui n'a pas valeur d'études revues par les pairs, a mis en évidence que chez des chiens atteints d'hémophilie et traités par thérapie génique, les vecteurs viraux adéno-associés intégraient le génome. Or, cette intégration semble favoriser la croissance de certaines cellules, ce qui fait revenir sur le devant de la scène la crainte d'un lien entre traitement par thérapie génique par AAV et l'oncogénèse. Prudence, et surtout pas d'emballement, c'est ce que nous dit Giuseppe Ranziti, responsable d'équipe au Généton et chargé de recherche INSERM. Il n'y a pas de cancer du tout à identifier dans les chiens. Donc pas de tumeurs dans les chiens. Par contre, ils ont identifié des intégrations dans les génomes de ces chiens. Des intégrations récurrentes dans les génomes. Et donc c'est des intégrations qui sont connues, mais qui jusqu'à présent, ils n'ont pas été associés dans les modèles animaux à la formation de tumeurs. Il y a plusieurs publications qui indiquent que le virus wild type sauvage de l'AAV, il peut s'intégrer dans les génomes dans des gènes qui peuvent donner un avantage en termes de croissance aux cellules. Ça ne veut pas dire forcément un tumeur. C'est seulement qu'ils peuvent conférer des caractéristiques qui ne sont pas propres à la cellule hépatique, par exemple. Et ça a été rapporté pour le virus sauvage, encore une fois. Pour les virus récombinants, donc pour les virus utilisés en thérapie génique, pour l'instant, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a des intégrations. Et dans cet abstract de congrès, il a été rapporté qu'il y a des intégrations dans un modèle animal grand, un grand animal, donc un chien, à long terme. Et surtout, que cette intégration, ils peuvent être aussi dans des gènes impliqués dans la prolifération des hépatocytes. Mais, dans les données qui ont été présentées, il n'y a pas d'informations sur si vraiment ces intégrations, ils confèrent un avantage en termes de croissance aux cellules. Donc, s'ils ont un effet fonctionnel. Donc, c'est important de surveiller et d'étudier ces phénomènes, justement pour établir s'il y a un risque et surtout pour mesurer les risques qu'il y a. En bref, un espoir pour les personnes qui souffrent de migraines. Avec l'arrivée peut-être prochaine en France de traitements spécifiques à base d'anticorps monoclonaux anti-CGRP qui tendent à prévenir les crises liées à cette maladie chronique, la maladie neurologique la plus fréquente, classée deuxième maladie la plus invalidante en termes d'années avec perte de productivité. Ces traitements par anticorps monoclonaux qui ont obtenu des autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe tardent à arriver en France alors qu'ils ont montré leur efficacité, y compris chez des patients en situation d'impasse thérapeutique. Problème, le coût élevé de ces traitements qui atteint entre 600 et 1000 euros par injection. Et coucou, revoilà le bug de l'an 2000. Avec le passage en 2020, ce bug a ressurgi et provoqué de nombreuses pannes. 14 000 parcs-mètres touchés à New York, bug en série dans un jeu vidéo de catch, problème d'horloge dans des caisses enregistreuses en Pologne. C'est un chaos somme toute modeste qui nous pousse à nous demander pourquoi le bug de l'an 2000 revient en 2020. La réponse est à chercher du côté d'une technique de mise à jour baptisée année pivot, utilisée par les développeurs pour contourner le bug de l'an 2000. 2000. Beaucoup de ces développeurs avaient choisi l'année 2020 comme année pivot. En d'autres termes, les données produites entre 00 et 20 étaient considérées par le système comme postérieures à 2000. Quant aux données produites entre 20 et 99, elles se rapportent au siècle précédent et dans ce cas, 1920. Les développeurs de l'époque ne pensaient pas à mal, ils avaient juste un peu surestimé la progression des systèmes informatiques. Et en bref, dans le journal des sciences cette semaine, il a été question des tyrannosaures nains qui n'ont jamais existé. Nous avons parlé également de cette épidémie de pneumonie qui touche une soixantaine de personnes en Chine et dont on ne connaît pas encore l'origine. Et en ultra bref, Antoine, bien justement, on a des nouvelles de ce virus. Oui, cette épidémie serait causée par un nouveau coronavirus dont les chercheurs chinois affirment désormais avoir entièrement séquencé le génome. Reste maintenant à comprendre pourquoi il est différent des autres coronavirus humains et à découvrir l'espèce animale qui est à l'origine de sa propagation à l'homme. Quant à trouver un traitement, on n'y est pas encore. En ultra bref toujours, l'espadon chinois est officiellement la première espèce animale à disparaître. 10 jours à peine après le début de l'année, c'est triste. Côté bonne nouvelle, les chercheurs viennent de découvrir 5 nouvelles espèces d'oiseaux chanteurs en Indonésie. Enfin, un nouvel institut de recherche scientifique vient de voir le jour en France. Il s'agit de l'INRAE, issu de la fusion entre l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, et de l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et on termine comme chaque semaine ce journal des sciences avec la rubrique de sciences improbables. Et cette semaine, une nouvelle peu ragoûtante à vrai dire, encore moins que lire l'avenir dans les ongles de pied. Une corne de dragon qui pousse dans le dos d'un homme. N'allez surtout pas voir les photos sur internet, je le fais pour vous. Et ma tolérance, certes très faible aux images gore, a volé complètement en éclats. Un homme âgé de 50 ans présente depuis 3 ans une excroissance dans le bas du dos de 14 par 6 par 5,5 cm. Il s'agit de ce qu'on appelle une corne cutanée, autrement dit une excroissance tumorale de l'épiderme qui doit, dès qu'elle apparaît, faire immédiatement l'objet d'une analyse histologique pour déterminer s'il s'agit d'une tumeur maligne. Après ablation et l'étude de cette excroissance, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde, le deuxième cancer de la peau le plus fréquent après le carcinome basocellulaire. Les médecins ont été les premiers surpris qu'un tel cas soit passé entre les mailles du filet malgré les campagnes de prévention. On ne le dira donc jamais assez, si vous ne voulez pas avoir de corne de dragon, protégez-vous du soleil. Oui, surtout que évidemment on vient de poster le lien vers l'étude sur le. Désolé. Voilà, c'est vu. Ce qui a été vu ne peut pas être dévu, comme bon on dit. Week-end. Et merci beaucoup Antoine. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est donc un vendredi d'actualité scientifique consacré eh bien, à ce qui nous attend dans l'année qui vient. Nous allons nous projeter au cours de cette heure eh bien, dans une partie des nouvelles scientifiques qui peuvent être anticipées, évidemment, et quelques-uns des rendez-vous qui seront d'importants jalons de cette actualité scientifique prévisible à venir. On commence avec vous, Mathilde Fontaise, et un retour très très attendu, non pas celui du Jedi, mais celui de la sonde Hayabusa 2. Oui, le retour de la sonde Hayabusa 2 à la fin de l'année 2020, de cette année, avec à l'intérieur de sa carcasse scellée, quelques centaines de microgrammes d'une matière extraterrestre, d'une matière qui a été collectée cette année sur un astéroïde et qui promet de nous révéler la nature de la matière qui a constitué les planètes tout au début du système solaire, qui promet de nous révéler peut-être aussi l'origine de l'eau sur Terre, puisqu'il s'agit pour la première fois d'un échantillon d'un astéroïde de type carboné, de type C. Jamais jusqu'alors, on avait pu collecter ce type de matière. Alors peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de cette sonde japonaise qu'on avait suivie un peu ici, parce qu'il n'y a pas qu'un type de prélèvement, il y en a plusieurs, c'est une histoire assez passionnante. Tout a été un peu plus compliqué, comme souvent dans l'espace et comme souvent quand on est très loin autour de tout petits objets, que ce qui était prévu sur le papier au départ. Oui, les équipes japonaises ont vécu maintes péripéties, en particulier au cours du premier prélèvement d'échantillons. Donc en fait, la mission a consisté à se rapprocher de cet astéroïde qui s'appelle Ryungu. Progressivement, la mission est partie en 2014. Elle est arrivée à l'été 2018 auprès de Ryungu. Elle a commencé par faire une première cartographie. Ensuite, elle a envoyé des petites sondes qui sont allées en reconnaissance et qui se sont posées à sa surface et qui ont plus ou moins bien fonctionné, mais ont déjà pris quelques photos qui, d'ailleurs, pour certaines, ne sont pas encore publiées, qu'on va avoir au cours de l'année 2020. Et puis ensuite, elle a procédé à son premier prélèvement le 21 février, non sans avoir le 21 février 2019. C'est ça. Et ce prélèvement avait déjà été reporté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet astéroïde est extrêmement sombre. Les astrophysiciens se sont rendus compte qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi sombre que ça et que donc ça pouvait, notamment ça posait des problèmes pour tout simplement se repérer. Tous les capteurs qui avaient été prévus n'avaient pas été prévus pour une telle obscurité en fait. Donc il a fallu recalibrer tous ces instruments, recalculer les trajectoires, et au moment même, juste avant le premier prélèvement, le président, le directeur scientifique de la mission Hayabusa 1, qui avait permis de prendre un premier échantillon d'astéroïde en 2010, avait été convoqué, c'est Patrick Michel qui est l'un des membres français de cette mission Hayabusa, qui nous avait raconté cette anecdote extraordinaire, il a été convoqué pour... en fait, qu'on lui expose quelque part le projet de prélèvement d'échantillons, et il avait dit que ça ne marcherait pas avec toutes les mesures qu'il y avait et à cause de cette obscurité. Donc ils ont dû refaire tous les calculs, etc. Et finalement, le prélèvement d'échantillons a réussi, un premier prélèvement a réussi. Alors, le 21 février. Comment ça s'est passé, racontez-nous, parce que c'est assez intéressant. Effectivement, il y a plusieurs choses surprenantes sur cet astéroïde qui ont dérouté les scientifiques japonais. La première chose, c'est peut-être aussi déjà l'absence totale de régolithe, c'est qu'il n'y a pas de poussière du tout à la surface, alors qu'on s'attendait à en trouver. Oui, alors en fait, ils ont trouvé un tas de gravats. C'est vraiment le terme qu'ils ont utilisé pour décrire cet objet. Ils s'attendaient à avoir une diversité géologique, en fait, à avoir tout simplement des zones sableuses, des zones rocheuses avec des gros rochers et puis des zones de petits cailloux. Ce qu'ils ont découvert, c'est que des petits cailloux, très peu différents les uns des autres, et agglomérés les uns aux autres, avec une densité très très faible. Hein, une densité. Enfin, en fait, il y a énormément de vide dans cet astéroïde. 50% de vide. 50% de vide. Et le reste, ce sont ces petits cailloux. Ça ressemble à un chemin caillouteux de montagne, en fait. Et donc, leur dispositif pour prélever les échantillons, il est simple. Il s'agissait de s'approcher tout près de l'astéroïde avec le satellite. Avec Hayabusa, hein, c'est-à-dire pas un atterrisseur, c'est vraiment rapprocher au maximum, voilà, avec la sonde. Rapprocher au maximum la sonde, donc une prouesse, hein, à cette distance. Hein, on est quand même à 280 millions de kilomètres de la Terre. Et puis ensuite, une fois rapproché, en fait, d'envoyer un projectile qui allait soulever des poussières, qui pouvait être ensuite absorbé par une sorte de petit cornet fixé à Hayabusa. Donc Hayabusa, finalement, ne touchait pas, hein, n'a jamais touché l'astéroïde Ryungu, mais devait comme ça prélever les poussières qui allaient être soulevées par ce projectile. Mais pour ça, il fallait quand même trouver une zone qui permette à la sonde de s'approcher sans danger, une zone qui permette aussi à cette opération de projection, en fait, de pouvoir se réaliser comme il fallait. Et la résolution n'était pas suffisante pour pouvoir permettre cette approche au départ, puisqu'en fait, ils cherchaient une zone très, très lisse, en fait, quelque part, assez, et il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune sur Ryungu, et la résolution de la sonde ne permettait pas de vraiment essayer de trouver, vu la taille des cailloux, de trouver cette zone de faiblement accidentée. Et alors du coup, comment est-ce que ça s'est passé le 21 février 2019, donc cette première récolte, comment ça a marché, et est-ce qu'on sait à peu près si ça a fonctionné ou pas? Alors, ils savent que ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, ils savent qu'il y a eu des échantillons de prélevés. Ils espèrent quelques centaines de microgrammes, ce qui est énorme. Il faut rappeler que pour l'instant, en termes de matière d'astéroïde, on ne dispose sur Terre que d'un microgramme qui a été ramené par la mission Hayabusa 1, suite à cette mission Hayabusa 1. Et donc, ce sera 100 fois plus, potentiellement plusieurs centaines de fois plus que ce qu'on a jusque-là. Donc, si c'est bien ça, ce sera vraiment formidable pour les analyses qu'on pourra faire après avec cette matière. Après, ils n'en savent pas plus. Sur le coup, il y a eu énormément de péripéties. Comme je disais, ils ont été obligés de recalculer toutes les trajectoires, même au moment du lancement. Ils ont fait une pause dans leur processus pour pouvoir tout recalculer, puisque, encore une fois, les capteurs ne permettaient pas de bien guider la sonde. Et puis après ce premier prélèvement, un second prélèvement était prévu et qui a été mis carrément en suspens, puisqu'en fait une partie de l'équipe était opposée à ce second prélèvement, puisque le premier avait réussi. Il y avait pour certains membres de la mission un trop grand risque de cracher la sonde lors de ce deuxième prélèvement et de perdre en fait ce précieux échantillon qui avait été récolté. Donc ça a été des semaines de débat dans toute l'équipe scientifique, et finalement la décision très courageuse a été prise de retenter un deuxième prélèvement pour augmenter encore la quantité de matière prélevé. Et il a été réalisé le 11 juillet 2019. Et cette fois, tout s'est passé exactement comme prévu. Pas d'embarras particulier. Et puis ensuite, la sonde a quitté Ryungu le 13 novembre 2019 et a commencé à voguer vers la Terre. Elle devrait arriver fin 2020. Mmh. Ensuite, évidemment, là, ce sera la découverte, hein, puisque comme je le disais, en fait, donc l'astéroïde, donc on dispose déjà, grâce à la sonde Hayabusa 1, d'un microgramme de matière qui a été analysé, mais il s'agissait de matière qui provenait d'un astéroïde de type S, donc un astéroïde silicaté, et qui est, selon ce qu'on pense, hein, puisque tout ça, ce sont des modèles théoriques et des observations à distance qui sont bien loin d'être complète, mais on pense que ces astéroïdes sont moins primitifs que les astéroïdes C, comme Ryungu. Et donc c'est tout l'intérêt d'être allé voir cet astéroïde Ryungu, c'est quelque part d'avoir un échantillon de matière qui a été préservé, et cela a été confirmé par les analyses de près, lorsque Hayabusa 2 est tourné autour de Ryungu. Cet astéroïde semble effectivement extrêmement primitif. Et donc pourrait, comme quelque part, nous donner la clé, d'une part, améliorer les modèles de formation des planètes et de tous les astres du système solaire, puisque en ayant un échantillon de cette matière, on pourra évidemment mieux savoir comment elle colle, comment elle s'agglomère, comment est-ce que dynamiquement elle... Bon, voilà, tout ça, on pourra mieux comprendre la formation des planètes. Et puis aussi, il y a cette grande question, hein, de savoir comment est-ce que la Terre s'est retrouvée avec toute cette eau, alors qu'au départ, a priori, il n'y en avait pas. Et on pense évidemment que cette eau a été amenée sur Terre par un bombardement de corps hydratés de type du même type, oui, c'est ça, que cet astéroïde. Et donc, ça permettra de le vérifier. Puisqu'on sait évidemment maintenant que l'eau, a priori en tout cas, sur Terre, ne vient pas des comètes, parce que c'était pas le même rapport isotopique entre l'eau et le... Entre le deutérium, voilà, c'est ça, c'est le deutérium. Oui, voilà, on trace l'origine de l'eau avec ce rapport isotopique, mais on sait aussi, et on s'aperçoit avec l'étude de Ryungu et avec l'étude de Bennu, qui est un autre astéroïde de type si carboné aussi, qui a été étudié aussi en 2019 par une autre sonde Osiris-Rex. Et les deux sondes étaient simultanément en train d'étudier chacun leur astéroïde, qui avait chacun exactement la même forme, sauf que l'un est deux fois plus petit que l'autre. Et donc ces deux sondes, on a reçu les images des deux sondes simultanément en 2019. Osiris-Rex rentrera sur Terre plus tard, en 2024. Mais donc on sait que, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Le rapport deutérium-hydrogène. Voilà, on sait que, en fait, grâce à l'étude de ces deux astéroïdes, on s'aperçoit de plus en plus que la frontière entre comètes et astéroïdes, en fait, devient de plus en plus poreuse, que ces deux types de corps, en fait, qui étaient jusque-là, avec une typologie bien séparée. On avait un corps d'un côté qui était une sorte de gros rocher qui flotte dans l'espace, et l'autre côté, un corps hydraté, plein d'eau, une sorte de boule de neige sale, comme on l'appelait. Voilà. Ça, c'était les comètes. Et là, en fait, on s'aperçoit en observant ces astéroïdes, et en particulier Bennu, qui est étudié par la sonde américaine, que en fait ces astéroïdes sont pour certains hydratés, que finalement les comètes qu'on a pu observer sont pour certaines pas forcément très riches en eau. Et donc on est en train de se dire, les astrophysiciens sont en train de se dire qu'il y a un continuum en fait entre ces deux types d'objets, et que ce qui compte en fait quelque part, c'est d'avoir des objets primitifs pour pouvoir avoir les réponses qu'on cherche. Donc Bennu et Ryungu sont deux astéroïdes qui peuvent donner ces réponses sur le début du système solaire et l'origine de l'eau sur Terre. Donc voilà, ça ce sera à la fin de l'année, puisqu'on attend le retour normalement quelque part en Australie de cette sonde Hayabusa 2 pour le mois de décembre. Oui, c'est ça, fin 2020. Il y a eu plusieurs dates. Je crois que ce n'est pas encore complètement décidé. D'accord. Toujours dans l'espace, une actualité assez récente, mais qui pourrait déboucher sur un phénomène extrêmement rare et très précieux pour les astronomes et les astrophysiciens. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, Olivier, à l'étoile Bételgeuse? Alors, elle pourrait exploser, hein, purement et simplement. On peut dire que ça peut arriver d'ici 100 millions d'années, on se mouille pas, mais ça peut aussi arriver demain, cette nuit. C'est un phénomène extrêmement rare. Les astrophysiciens estiment que ça n'arrive qu'une à trois fois par siècle dans la Voie lactée, dans notre galaxie. Et là, Betelgeuse est un client parfait pour un événement comme celui-là. Betelgeuse, c'est une étoile qui fait partie de la constellation d'Orion, qui est une étoile normalement très lumineuse, puisqu'on estime que c'est la huitième étoile la plus lumineuse de la voûte céleste. En ce moment, elle est à la 21e place. Elle a été violemment rétrogradée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en tout cas, déjà, c'est observé depuis relativement peu de temps. Hein, c'est en décembre que des observateurs, des vigiles du ciel ont commencé à lancer l'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Betelgeuse, cet événement vient de là où on pouvait l'attendre, parce que Betelgeuse, c'est une étoile d'un type très particulier. C'est une supergéante rouge, c'est-à-dire que c'est un astre en fin de vie, et on sait que elle va finir par disparaître, par mourir. Le scénario est connu pour les supergéantes rouges. On sait que les couches superficielles de l'astre doivent être éjectées, ce qui va permettre d'expulser tous les éléments chimiques qui prennent naissance à l'intérieur, dans le cœur de l'astre. Et c'est un mouvement qui est extrêmement fécond, puisque ça va permettre d'ensemencer le milieu extérieur et donc de voir apparaître, in fine, de nouvelles étoiles. On peut rappeler que par rapport au Soleil, Bételgeuse est une étoile mille fois plus grosse, et que dans l'espace, plus les étoiles sont grosses, plus leur durée de vie est courte. Oui, elle fait 11 fois la masse solaire de notre Soleil. Et si on s'amusait à prendre Bételgeuse et à la ramener au centre du système solaire, elle arriverait à peu près à la position de l'orbite de Jupiter. C'est vraiment Betelgeuse versus le Soleil, c'est la pastèque et le moucheron. Quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe du coup, ces baisses de luminosité que l'on est en train de constater, qu'est-ce que ça pourrait annoncer? Alors, ça pourrait annoncer ce phénomène d'éjection de la matière superficielle. C'est du vent solaire, hein, finalement. Ça se voit, Betelgeuse est un astre qui est à portée de télescope. Ça a été photographié par Herschel, par exemple. Et on voit un système de coquilles, de coques concentriques qui entourent l'étoile et qui pourrait être caractéristique de ce vent solaire. Si ça n'était que du vent solaire, ce qui est un phénomène récurrent et qui fait qu'on a déjà pu constater dans le passé des baisses de luminosité de Betelgeuse, c'est pas la première fois que ça arrive, et bien dans ce cas-là, ce serait un épisode comme on en a déjà connu dans la fin de vie de Betelgeuse, mais une fin de vie, on l'a dit, qui pourrait être assez longue. A contrario, des analyses qui sont actuellement en train d'être menées, puisque je le dis, tout ça c'est assez récent, permettraient de dire si au contraire, c'est plutôt l'accélération vers la formation de la supernova, puisque tout ça, ça forme une supernova. Mmh. Événement très très rare, on l'a dit. La supernova, on n'a qu'un seul exemple récemment, hein, qui date de 1987. On l'a appelé SN 1987A, justement, et c'était l'explosion d'une étoile qui n'était pas dans la Voie lactée, qui était dans une galaxie périphérique, le grand nuage de Magellan. Mmh. La dernière supernova dans la Voie lactée, c'était en 1604. Oui, c'est dire si c'est rare. Si c'est rare et si l'événement pourrait être précieux d'un point de vue scientifique, mais on peut imaginer que d'un point de vue de la... comment dirais-je, de la médiatisation de la science, et il pourrait y avoir une sorte d'engouement populaire puisque c'est un événement qui serait visible de jour. C'est-à-dire que si Betelgeuse explose, on le verrait dans le ciel diurne. On le verrait, alors ça serait pas Star Wars, mais on a estimé que la luminosité de la supernova Betelgeuse éventuelle, ça pourrait être 16 fois moindre qu'une pleine lune, mais non pas à même surface, hein, puisque la pleine lune est la taille qu'elle a. Là, on est à la taille d'une tête d'épingle. 642 années-lumière, Betelgeuse. Voilà. Et donc, ça serait visible 100 fois plus que Vénus, par exemple. Donc, on verrait un petit point dans la voûte céleste diurne, effectivement. Qu'est-ce qui peut discriminer? Est-ce qu'on a des indices de ce qui va se passer? Est-ce que ce sera une surprise? Tout ça s'est passé donc il y a 642 ans. C'est totalement une surprise. C'est là où vraiment l'affaire est croustillante. Parce que réellement, je parlais de ça avec un collègue tout à l'heure avant de partir à l'émission. Je disais, est-ce qu'il y a du nouveau? La première chose qu'on m'a dit, c'est non, ça n'a pas encore explosé. Hein. Donc c'est comme le lait sur le feu, ça peut arriver d'un instant à l'autre, mais ça peut aussi prendre un temps extrêmement important, comme le fût du canon de Fernand Reynaud. Je ne sais pas si c'est une référence ancienne. Pourquoi pas? On ne l'avait pas prévu pour la pause musicale. Peut-être un mot, Mathilde, sur la supernova, sur Betelgeuse, sur ce qu'on peut en attendre? Oui, bah déjà, c'est toujours, c'est fascinant les supernovas et c'est fascinant ces phénomènes-là parce qu'on est habitué à un temps tellement long pour ce qui est de l'astronomie et de l'astrophysique en général dans les phénomènes que c'est tout à fait surprenant de tout à coup ça, être sur le qui-vive. J'imagine que pour les équipes d'astrophysiciens, ça doit être très excitant. Et après, c'est tout l'enjeu, effectivement, c'est de discriminer tous les modèles d'explosion d'étoiles et d'essayer de comprendre en fait finement comment est-ce que les étoiles explosent et de comprendre après qu'est-ce qu'elles génèrent comme astre nouveau. Enfin, on sait très bien que les étoiles, on sait que les étoiles plus massives peuvent générer des étoiles à neutrons, peuvent générer des trous noirs qui sont même des objets extraordinairement complexes. Il y a des dizaines et des dizaines de simulations qui essayent de décrire finement comment est-ce que le gaz de ces étoiles est projeté dans l'espace, comment est-ce que tout ça se diffuse, quelles sont toutes les instabilités de ces gaz et ce qu'ils peuvent avoir comme effet, comment est-ce que ça génère des éléments lourds qui peuvent après donner des atomes plus lourds dans l'univers. Enfin bref, tous ces modules ont besoin d'observations pour être discriminés. Et donc évidemment, si on en a une tout près, c'est le Graal. Alors c'est tout près, mais il faut préciser que c'est sans danger. Hein. Aucune radiation létale ne pourrait arriver sur la Terre, puisqu'on est au-delà des 50 années-lumière, qui constitue quand même la zone problématique si on était à l'intérieur. Là, on pourrait redouter l'explosion, la constitution de cette supernova. Il y a plein d'instruments scientifiques, effectivement, qui vont être sollicités. Il y a les télescopes, j'en parlais, mais on peut citer aussi... Télescope Alma, notamment. En Antarctique, IceCube, qui est le détecteur de neutrinos, il pourrait aussi recevoir, qui est enfoui sous les glaces de l'Antarctique, ou LIGO, dont je crois on va parler tout à l'heure, qui détecte les ondes gravitationnelles, pourrait aussi recevoir des signaux à l'occasion de la constitution de la supernova. Yes, I understand that every life must end, as we sit alone, I know someday we must go, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come cleaner. Pearl Jam sur France Culture à 16h33. Just breathe. Juste respirer, puisque à propos de respiration, cette année, l'expédition 5300 entre dans sa deuxième phase, après une première phase d'observation d'un peu plus d'un mois l'an dernier à la Rinconada au Pérou, une ville d'altitude donc à 5300 mètres, dans laquelle bien cette équipe française étudie les effets au long cours de l'hypoxie et donc du manque d'oxygène sur l'organisme, Marion Sabourdi. Oui, exactement, Nicolas. Donc la Rinconada, effectivement, elle est située à 5300 mètres, vraiment juste sous un gros glacier, pas très loin de la Bolivie. Et c'est une ville minière assez pauvre, donc les gens ne vont pas y habiter juste pour le plaisir. En général, à ces altitudes-là, personne n'y habite. Ils y habitent pour l'or. Et en gros, enfin pour vous donner un ordre d'idée, il y a moitié moins effectivement d'oxygène qu'au niveau de la mer. En Europe, nous, les plus hauts villages ou villes un peu d'importance, c'est plutôt 2002, 2005. Donc là, 5300, on voit qu'on est vraiment en très haute altitude. Ces personnes, donc femmes, enfants, hommes, qui vivent là à l'année, sur plusieurs années, ils souffrent du manque d'oxygène, donc de l'hypoxie. Il y en a à peu près 20-25% qui développent le mal chronique des montagnes. Donc c'est le mal chronique des montagnes, on peut le confondre avec le mal aigu des montagnes, qui est celui qu'on développe quand on monte en altitude depuis la plaine par exemple, et qu'on va faire de l'alpinisme. On est essoufflé, on a des soucis, de l'apnée du sommeil, on peut éventuellement aller, éventuellement voilà. Des nausées aussi, oui. Et jusqu'à l'œdème, parfois, enfin pour vraiment quand on monte très haut. Mais eux, donc ils doivent vivre en permanence dans ces conditions-là. Et donc, alors on sait que des populations qui vivent plutôt à haute altitude ont développé des, comment on pourrait dire, des particularités physiologiques qui leur permettent par rapport à nous de supporter cette altitude et ce manque d'oxygène. Donc il y a les Andins, effectivement, là, au Pérou dont on parle. Il y a les Sherpas au Tibet. Il y a aussi les populations des hauts plateaux d'Éthiopie qui ont développé des particularités. Mais là, cette expédition en particulier, 5300, c'est la première fois qu'on va aussi haut étudier médicalement, on pourrait dire, des populations. Et donc, c'est un petit groupe d'une dizaine de scientifiques qui est monté, qui est dirigé par Samuel Vergès, qui est un chercheur INSERM au sein du laboratoire Hypoxie et Physiopathologie de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, effectivement, ils y sont allés entre janvier et mars dernier, pour des études, peut-être que je pourrais préciser un peu. D'autant que vous étiez à la conférence de presse il y a quelques jours qui donnait un peu les premiers résultats et la suite du programme. Vous allez nous raconter ça. Juste, Samuel Vergès, c'est pas la première fois. Il y a évidemment d'autres études sur lesquelles il a travaillé et qui l'étudie justement exactement cette survie avec peu d'oxygène et donc les maux qui sont liés à l'altitude. Effectivement, le laboratoire HP2 dont je parlais est vraiment leader sur cette recherche sur le sujet de l'hypoxie. Ils ont fait notamment, alors beaucoup d'études, mais en particulier deux assez intéressantes et importantes. Une en 2011 à l'observatoire Valo dans le massif du Mont-Blanc, à 4300 mètres. Donc déjà, rien que monter du matériel médical et étudier des personnes pendant une semaine dans ce lieu, c'est vraiment une performance assez, assez impressionnante. Là, en l'occurrence, ils ont étudié les effets de l'hypoxie sur le cerveau. Parce qu'on se demandait finalement, quand on monte en altitude, est-ce qu'on a juste des problèmes musculaires, on va dire, ou de la fatigue ou autre, ou est-ce que le cerveau est plus impacté que ça. Effectivement, il se trouve que le cerveau est assez impacté. Et puis une autre expédition, donc cette fois-ci en Himalaya en 2015, au Manaslu, j'espère que je le prononce bien. Ça a l'air d'être ça. Environ à 5000 mètres, donc là, encore un petit peu plus haut. Là, en l'occurrence, il s'agissait de suivre des personnes qui faisaient un trek à cette altitude. Donc il peut y avoir pas mal de monde qui fait des personnes peu ou moyennement sportives qui font ce genre de trek. Et donc là, l'idée, c'était de suivre une cinquantaine de sujets qui réalisaient ce trek et de voir un peu leur adaptation cardio-respiratoire, leur adaptation métabolique, tester également un masque pour essayer de soulager un peu ces effets du mal aigu des montagnes. Et alors justement, ce projet, cette expédition 5300, en quoi elle consiste? Comment s'est passée la première phase? Alors donc, la première phase, donc de janvier à mars 2019, il s'agissait d'étudier cette population donc qui est la plus haute du monde, donc l'étudier sur les plans génétiques, hématologiques et cardiovasculaires, pour comprendre les mécanismes d'adaptation à l'altitude et aussi leur apporter un soutien logistique, médical, parce qu'on sait que, comme je disais, 20-25% d'entre eux souffrent vraiment de ce mal chronique des montagnes, même en vivant à l'année à ces endroits-là. Et donc, en quelques mots, là aussi, l'équipe, donc c'était pas évident, mais ils ont amené tout un laboratoire éphémère. Ils l'ont installé à la Rinconada, à 5300 mètres. Au préalable, ils avaient fait exactement la même chose à Lima, donc à altitude zéro. Zéro, puisque c'est vraiment au niveau de la mer, Lima. Ouais. Exactement, au niveau de la mer. Ils ont étudié 20 Péruviens volontaires, donc ils ont fait office finalement de sujets de contrôle, des personnes qui vivent à Lima en permanence. Ensuite, ils sont allés à Puno, c'est sur les bords du lac Titicaca, donc là on monte déjà à 3008. Ça commençait déjà à être difficile pour tous ces médecins et chercheurs qui pourtant sont assez aguerris et sportifs. Ils ont étudié à nouveau 20 Péruviens, l'idée étant d'avoir des caractéristiques ethniques similaires pour l'étude. Et enfin, ils sont arrivés à 5300 mètres à la Rinconada. Ils en ont profité pour faire un bilan de santé aussi sur plusieurs centaines de personnes, 800 personnes, hommes, femmes, enfants. Mais pour l'étude, ils se sont concentrés sur une cinquantaine d'hommes qui vivent au moins depuis 3 ans à la Rinconada, qui sont nés à une altitude supérieure à 3500 mètres. Donc quand même, on pourrait penser qu'ils ont une certaine habitude de l'altitude. Et alors en plus, à préciser quand même, ces personnes, donc c'est des mineurs. J'ai pas forcément les résultats précis par rapport à ça, mais il faut garder en tête que non seulement il y a l'effet du manque d'oxygène dû à l'altitude, mais il y a leurs conditions de vie très pénibles. Le travail dans les galeries, la respiration de poussière, exactement. Les résidus d'explosifs. Malheureusement, a priori, enfin les chercheurs, ils n'ont pas vraiment de chiffres, mais ils n'ont pas vu de personnes de plus de 55-60 ans dans la ville. Oui. Comme il y a une autre ville de Bolivie qui s'appelle Potosi, où il y a une montagne célèbre qui s'appelle le Cerro Rico, qui est une mine d'argent, qui culmine à 5100 mètres, et elle a tellement été exploitée depuis, après, par la conquête espagnole, que la montagne finit par s'affaisser, elle fait plus que 4800 mètres, et il y a encore des gens qui travaillent à l'intérieur, effectivement, dans des conditions qui sont assez redoutables. Et donc voilà, alors les résultats, eux, sont assez exceptionnels, enfin assez fantastiques, des chiffres impressionnants, notamment la quantité de globules rouges et d'hémoglobine qui sont créés par ces personnes. Donc ça, on pouvait s'en douter, parce que forcément, même quand on monte en altitude quelques jours, on a aussi une production de globules rouges un peu plus élevée. Mais là, en l'occurrence, ces hommes ont une hématocrite qui peut monter jusqu'à 85%. Donc à titre d'exemple, pour quelqu'un qui vit en plaine, nous par exemple, c'est entre 40-45%. Et j'ai même cherché Marco Pantani, le coureur cycliste dans les beaux jours, on va dire, du dopage qu'il a pu subir, n'en était qu'à 60%. Donc par rapport à ces mineurs qui sont à 85%, c'est assez hallucinant. Ils ont 2 kilos de globules rouges dans le sang, hein, par rapport à nous qui en avons à peu près 600-700 grammes. C'est vraiment hallucinant. Et donc ce sang est vraiment très visqueux. À peu près trois fois plus que nous. Et ce qui fait dire à Samuel Vergès... Je rappelle juste en deux mots que l'hématocrite, c'est la quantité de globules rouges à l'intérieur de la formule sanguine. Le volume occupé par les globules rouges. Et donc Samuel Vergès indiquait lors de la conférence de presse que si on nous transfusait ce sang d'un mineur de la Rinconada, on développerait un accident vasculaire ou cardiaque dans les minutes ou les heures qui suivent, tellement ce sang est riche en globules rouges. Et en oxygène, du coup, j'imagine. Alors oui, en oxygène. Enfin, de fait, ça compense, on va dire. Ils ont par exemple une pression artérielle qui est comme la nôtre, enfin normale. Il y a une forme de compensation, effectivement. Mais il y a d'autres compensations à la fois ce volume de globules rouges et à cette viscosité qui sont un peu moins sympas, on va dire. C'est notamment des vaisseaux extrêmement dilatés et dilatés en permanence. Donc on va dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre en cas de problème X ou Y, s'il devait par exemple se mettre à courir tout d'un coup. Oui. Ou bien un cœur énormément dilaté aussi, qui doit faire un travail très élevé de... Et pour pomper évidemment, ça. Bien sûr. Exactement. Ça fait sens. Et puis voilà, un état d'inflammation et de stress oxydant permanent. Donc en fait, Samuel Vergès indiquait que c'est une population qui est vraiment en équilibre entre des adaptations extrêmes et vraiment un niveau d'adaptation très fort, mais en même temps qui sont à la limite à chaque fois de gros problèmes cardiovasculaires. Ça me fait penser un peu lié à cette autre étude qui portait sur ce peuple de plongeurs. Oui, vous vous souvenez qui arrive en Indonésie ou aux Philippines ou quelque chose comme ça. C'est un peuple de plongeurs pêcheurs qui avait développé des capacités d'apnée, extraordinaires, et ils pouvaient rester de longues périodes de temps sous l'eau pour pêcher. Et là, c'était une adaptation génétique, effectivement. Dans le cas de la Rinconada, ce qui est intriguant, c'est que les populations qui habitent à 5300 sont les héritières de celles qui vivent depuis beaucoup plus longtemps à 4000. Et si j'ai bien compris cette histoire, à 4000, ils vivent bien, finalement. Leur métabolisme leur permet d'être... en sécurité dans cet environnement. En revanche, à 5300, ils sont sur la lame du rasoir, et c'est pas leur physiologie n'est pas suffisante pour les faire vivre. D'où l'essai clinique qui va être mené par l'équipe des Grenoblois. On vient de vous remettre le lien justement vers les bajos, les nomades bajos, des mers. Oui, oui. On vient de vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Ça, c'est donc là vous avez pu assister à la conférence de presse. Il y a un film d'ailleurs, je crois, il y a un film documentaire qui a été projeté le 8 janvier dernier, qui va pouvoir être diffusé dans les prochains jours, qu'on va pouvoir voir à propos justement de cette première phase de l'expédition 5300, Marion. Exactement. Donc on suit les chercheurs toute l'aventure depuis Lima jusqu'à la Rinconada, et en fait ces chercheurs étaient accompagnés de communicants qui ont pu filmer tout ça. Donc ça donne vraiment des belles images. Effectivement, on en arrive, enfin, il y a à peu près ces résultats-là. En 2020, ils vont y repartir. Également, a priori, avec ces communicants-là, donc peut-être compléter un peu. Ils ont fait un carnet de bord aussi sur Science et Avenir à l'époque. Alors peut-être qu'ils continueront aussi à produire des articles en direct à partir de janvier. Et ce documentaire, il a été diffusé en avant-première à Grenoble. Pour l'instant, l'équipe est en recherche de festival plutôt, où proposer ce documentaire. Donc, je ne sais pas s'il va être diffusé sur une chaîne ou sur Internet. On lance l'appel à nos auditeurs qui fréquentent et qui connaissent des festivals scientifiques qui seraient intéressés par ce documentaire qui a l'air, ma foi, assez passionnant. C'est quoi la phase 2 du projet, Marion? Maintenant, ils repartent à la fin du mois de janvier, là, ils repartent le 27? Oui, dans quelques jours. Donc, ils vont y rester 5 semaines. Alors, l'objectif, c'est à la fois de collecter de nouvelles données pour compléter les précédentes. C'est de former des étudiants en médecine aussi. Il faut savoir qu'à la Rinconada, il n'y a pas d'hôpital, même pas de dispensaire, pas de médecin. C'est des médecins de Puno qui montent de temps en temps. Ou bien les mineurs, quand ils ont des soucis, ils redescendent pour essayer d'aller un petit peu mieux, à plus basse altitude. Donc l'idée, c'est de former des étudiants de Puno qui puissent y monter. Et également de proposer un protocole de soins aux habitants. Donc là, l'idée, c'est de tester ce protocole. Parce que, en fait, à part le mal aigu des montagnes, par exemple, en Europe ou ailleurs, on connaît quelques méthodes de soins. On a quelques médicaments qu'on peut donner aux personnes... qui montent haut et un peu rapidement. Par contre, des personnes qui restent toute leur vie à des altitudes pareilles, il n'y a rien qui existe, qu'on peut imaginer pour l'instant. Donc l'essai clinique va être fait à partir de janvier, avec une prescription de médicaments habituellement donnés à des alpinistes, notamment de l'acétazolamide, ou bien un placebo. Donc c'est vraiment un essai clinique contrôlé, randomisé. Donc c'est, je pense, le premier à aussi haute altitude dans ces conditions. Et l'idée, c'est de voir l'effet du traitement après 3 semaines, donc quand les chercheurs sont encore là. Et ensuite, après 6 mois, ils vont y revenir en août pour contrôler un peu si ça se passe bien. Et ensuite, proposer des prises en charge pour les mineurs les plus atteints, on va dire. Et par ailleurs, il y a aussi une levée de fonds pour aider les écoles, pour aider un peu plus les habitants plus largement, pour pouvoir leur fournir du matériel. On va essayer de partager ce lien vers la levée de fonds. Vous savez s'il y a des publications ou des papiers en pré-publication qui sont prévus à l'issue de cette expédition? Alors, a priori, oui, j'imagine, parce que le laboratoire HP2 est vraiment, a publié avec toutes ces études-là, pas mal de papiers. J'en ai pas sous la main là, mais bon, c'est peut-être. On ne vous en veut pas, on va les suivre, on va faire attention et évidemment, on vous tiendra informé de la suite de ce projet et que vous pouvez suivre. Encore une fois, là, on vous a mis un certain nombre de liens sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc ou sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et ce n'est pas tout pour 2020, encore plein d'autres choses à venir dans les semaines et les mois qui viennent, avec notamment en matière d'équipement scientifique d'envergure, deux qui vont être soit mises à jour, soit dont on est en train d'imaginer l'avenir, à commencer par les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo, Mathilde. Oui, enfin c'est surtout en fait le résultat de la campagne d'observation de LIGO-Virgo, donc c'est l'observation des ondes gravitationnelles. Il y a eu 12 détections d'ondes gravitationnelles depuis septembre 2015. Donc, ce sont ces oscillations de l'espace-temps qui sont dues à de phénomènes très intenses gravitationnels. Donc, souvent des fusions d'étoiles à neutrons ou des fusions de trous noirs. Phénomène qui a été prédit, qui a été observé pour la première fois en 2015. Et là, on en est à 12 détections, dont une qui vient d'être seulement publiée. Mais pendant ce temps, pendant que nous, on fait part des détections, LIGO et Virgo continuent d'observer. Et ils se murmurent qu'ils auraient en fait mesuré une quarantaine de fusions supplémentaires qui seront publiées à la fin de la campagne d'observation, donc c'est-à-dire à partir de avril-mai 2020. Parce qu'il y a une campagne d'observation qui est en cours, qui a commencé au mois d'avril dernier, donc pour le moment les résultats sont analysés, parce qu'évidemment il y a l'acquisition des données, et ensuite il y a le traitement des données qui prend un temps conséquent. Et donc d'ici le printemps, vraisemblablement avril-mai, on va avoir les premières publications de ces observations. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce qu'on a eu donc des observations de coalescence de trous noirs, d'étoiles à neutrons. Est-ce qu'on peut attendre d'autres formes de coalescence exotique? Alors ça, ce serait le miracle, je ne sais pas. Je pense surtout qu'on attend, en fait, en passant de Donc si en ajoutant 40 détections aux 12 que l'on a déjà, on va passer un cap en termes de statistiques et on va pouvoir commencer à remplir un peu un tableau, un espace des paramètres, comme disent les physiciens, qui va permettre de contraindre un peu tout ce qu'on sait sur les trous noirs et sur les étoiles à neutrons, c'est-à-dire pas tellement grand-chose quand même. Et donc c'est ça qui va commencer, c'est finalement la véritable science des trous noirs et des étoiles à neutrons via cet outil extraordinaire qu'est les ondes gravitationnelles qui va commencer à partir d'avril. Et puis ça va se poursuivre, hein, puisque donc ce sont des saisons, hein, c'est comme les séries qu'on regarde. Et donc là, on en est à la saison 3 et après, ça va se poursuivre, évidemment. Mais là, il se murmure que la moisson 2020 va être très bonne. Très bien, ça c'est pour les ondes gravitationnelles. Il y a aussi un équipement phare de la science contemporaine dont on commence à penser l'après, c'est le LHC, Mathilde. Oui, alors effectivement, on va sans doute avoir le verdict en 2020, enfin, en tout cas on l'espère. Donc le LHC, donc c'est ce collisionneur de particules, hein, qui envoie des protons se choquer les uns contre les autres à très très haute énergie pour pouvoir en faire sortir des particules nouvelles ou étudier les propriétés des particules qu'on connaît. C'est grâce au LHC que le boson de Higgs a été découvert. Le LHC est en train de terminer sa phase de vie quelque part, hein. Il est actuellement fermé aujourd'hui, mais il va redémarrer en mai 2021 et il va ensuite poursuivre ses observations jusqu'en 2024. Parce que là déjà il est dans une phase de mise à jour, d'upgrade comme on dirait, on va le rendre plus performant, on va lui permettre de faire des collisions avec la plus haute énergie. Oui, et notamment on prépare l'après 2027, c'est-à-dire qu'on prépare une phase qui va être appelée le LHC haute luminosité, qui va permettre de faire, non pas monter la puissance du LHC, mais le faire travailler à une cadence supérieure et donc avoir une meilleure statistique et faire remonter par exemple des événements plus rares. Donc c'est des particules par exemple qu'on aurait pu louper parce qu'elles arrivent une fois tous les 10 000 ans, et bien là elles pourraient apparaître. Mais déjà évidemment vu les travaux colossaux que nécessitent ces constructions de collisionneurs de particules, évidemment le CERN réfléchit aux prochains instruments qui vont pouvoir être construits depuis déjà très longtemps, depuis 2010. Et depuis 2 ans, les études sont rassemblées et le conseil du CERN va se réunir au printemps pour décider de la stratégie pour l'après 2027, enfin après même 2035, puisqu'en fait de 2027 à 2035 on aura le LHC haute luminosité, et ensuite après 2035 on aura besoin d'un autre instrument. Pourquoi besoin? Parce qu'on pourrait se dire finalement ça coûte des milliards et des milliards d'euros, on a découvert le boson de Higgs. Tout va bien. Le modèle standard de la physique est complet. Merci, au revoir. Sauf que le modèle standard de la physique n'est malheureusement pas la fin de l'histoire, et notamment parce qu'il ne décrit pas du tout la gravitation, ce qui est quand même embêtant. C'est quand même quelque chose qu'on observe tous les jours et qui ne fait pas partie du modèle. Et il y a un tas d'autres problèmes, comme par exemple les transformations des neutrinos, comme cette matière noire, cette énergie noire qu'on voit partout dans l'espace et qu'on ne détecte pas sous la forme de particules. Donc tous ces grands problèmes de la physique peuvent être investigués de bien des manières, par des observations astronomiques, mais aussi et surtout par des observations sur Terre, au cœur des particules. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut augmenter en énergie. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités, mais l'une des possibilités les plus prometteuses, c'est d'augmenter en énergie. Pour ça, il faut augmenter en diamètre de collisionneur de particules. Donc le LHC actuellement, c'est 27 km de circonférence. Le projet, là, c'est de construire un collisionneur de 100 km. Donc 100 km, ça permettrait d'atteindre des énergies qui sont de l'ordre de 100 téraélectronvolts. Hein. Actuellement, on est à 14. Ouais. Donc c'est vraiment un saut. Ça sera un saut énorme. Quantitatif énorme. Oui. Et donc ça nécessite évidemment, l'organisme du CERN est fait pour ça. Hein. Il réunit 23 pays, je crois, pays et membres, plus de nombreux pays observateurs, etc. Donc ce sera soit un projet du CERN, il y a un projet concurrent du côté des Chinois qui se sont engagés aussi et qui propose de construire aussi un collisionneur de 100 km. Donc c'est tout ça qui va être... Un collisionneur circulaire en Chine, je crois que c'était un... Circulaire. Ah, ouais. Je pensais qu'il n'était pas question d'un collisionneur Alors il y a aussi des projets de collisionneurs rectilignes, et notamment il y a une partie du CERN qui travaille sur ces projets-là qui sont pas forcément mis en concurrence et qui pourraient être complémentaires, en fait, qui pour beaucoup de chercheurs sont jugés complémentaires. Donc le Conseil va rendre son verdict en avril et la grande direction de recherche pour les 50 prochaines années, en fait, quelque part, sera donnée à ce moment-là. Ce qui est évidemment essentiel, ce serait le LCC pour le nouvel équipement de 100 km. Le FCC pour le futur collisionneur circulaire. J'imagine qu'il va changer de nom après, pour ne pas rester futur. Et puis, toujours du côté des équipements, Olivier, cette fois 2020 sera l'année du développement d'un nouvel avion supersonique de la NASA avec une particulier, c'est que celui-là serait silencieux. Oui, c'est un bang qui devrait faire, disent-ils, le bruit d'une portière de voiture qu'on claque. C'est assez étonnant, mais ça vient du fait que le bang supersonique qu'on connaît tous, il vient de la forme notamment des avions, puisque quand l'avion se déplace, il va créer des vibrations sonores, et quand l'avion se déplace très vite, ces vibrations sonores qui normalement sont concentriques, elles vont s'accumuler façon millefeuille sur le nez de l'avion, et c'est cette brusque accumulation qui va générer le bruit du bang. Quand l'avion dépasse la vitesse du son, c'est-à-dire Mach 1, mais pas seulement, c'est pas seulement au moment où il dépasse la vitesse du son, c'est dès qu'il vole à une vitesse supérieure, il y a ce bruit-là. Donc depuis des années maintenant, les scientifiques et les militaires essaient de trouver des solutions. Il faut se rappeler que dans les années 50 et 60, quand les États-Unis étaient survolés souvent par des avions de chasse, parce que c'était la période de la guerre froide et que les Américains voulaient surveiller leur territoire, il y avait énormément de plaintes des Américains, des citoyens, qui étaient déposées contre la Air Force. 38 000 plaintes entre 56 et 68. Faisait crise cardiaque des vaches notamment. Exactement. Les vaches qui tomberaient de mort. Oui, et puis le plâtre qui tombe en miettes et les fenêtres qui explosent. Donc les scientifiques ont à dire qu'ils volaient à très basse altitude. Hein. Voilà, pour expliquer, pour dire ça. Mais... Oui, mais alors, puisque là on parle d'utilisation qui serait commerciale pour le public, on serait aussi dans des altitudes qui seraient de l'ordre de quoi 15 000 mètres, 15 kilomètres, bon, c'est peut-être, c'est aussi à, le bang pourrait survenir à ces hauteurs-là aussi. Donc, en tout cas, le nouveau modèle pour lequel la NASA a donné son feu vert, il s'appelle le X-59. Il y a des images du prototype qui existent. Hein. On vient de vous les poster sur le. Voilà, il est vraiment, c'est le Concorde, mais vraiment façon Cyrano, hein. Le nez est très, très, très, très long. Le cockpit est carrément intégré au corps de l'avion, c'est des ailes triangulaires en forme de delta, et c'est un avion qui ne peut transporter qu'une seule personne, son pilote, donc ça répond pas du tout au problème pour ce qui est des avions commerciaux. Pour le vol commercial, on est encore un peu loin. On n'y est pas du tout, non. Et donc ça, pour le moment, il y a eu des vols tests qui ont été effectués, ou qu'est-ce qu'on attend dans le cours de l'année, Olivier ? L'avion est en cours de constitution dans trois chantiers différents. Il y en a un pour le fuselage, un autre pour l'empennage, un dernier pour l'avant de l'appareil. Et en 2020, le premier modèle doit être intégralement constitué. Son premier vol test est attendu pour 2021. Mais 2020, c'est l'année où on pourra voir en vrai ce fameux premier avion supersonique de la NASA. Eh bien, puisque nous arrivons dans les dernières secondes de cette émission, peut-être un petit tour de table. Y a-t-il d'autres choses que nous n'aurions pas évoquées, que vous voudriez aborder, Marion, dans l'actualité scientifique à venir, Mathilde ? Il y a une ruée vers Mars, hein, dont il faut quand même parler. On parlait de Mars tout à l'heure dans les actualités. Il y a quand même quatre sondes différentes qui vont partir vers Mars en 2020 parce qu'il y a une conjonction favorable, hein, qui leur permettra d'atteindre la planète rouge particulièrement vite. Donc, on va suivre Olivier. 2020, c'est aussi l'année, peut-être une année charnière pour Alzheimer. On en a parlé quelques fois ici, hein, mais il y a un médicament qui pourrait avoir l'autorisation de mise en vente aux États-Unis, qui s'appelle l'aducanumab. Qui est un anticorps monoclonal. Et si effectivement il arrive sur le marché, ce serait dans des cas très particuliers, il pourrait être prescrit au stade le plus précoce de la maladie aux États-Unis, mais ce serait quand même une avancée très intéressante dans un domaine dans lequel il y a très peu de bonnes nouvelles, quoi. Eh bien, on surveillera tous ces points-là tout au long de l'année. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion Sabourdi, Olivier à la Une de Science et Avenir. La méditation, neurosciences et méditation. Mathilde à la Une de Science et Vie. Eh bien, la Une de Science et Vie, on va la mettre sur le fil Twitter de l'émission. On a vu la naissance du temps, et c'est un dossier qui parle de l'origine de l'univers. Merci beaucoup à tous les trois, et puis vous pouvez aussi retrouver depuis mercredi, comme toutes les semaines, les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, les idées claires d'actualité cette semaine, puisque la question qui est posée, c'est la police française est-elle plus violente aujourd'hui qu'hier après les débordements de la manifestation d'hier? Vous aurez les réponses qu'apporte à cette question un sociologue qui étudie les violences policières depuis de nombreuses années. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Vulfran, Céline Lozen, Alexandra Delbo, Tom Hundenstock, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. La semaine prochaine, lundi, vous saurez tout sur les toutous. Nous parlerons des chiens et de leur domestication. Mardi, on parlera de la forme de l'univers. Mercredi, des données biométriques et de leur utilisation. Jeudi, de l'apparition de la bipédie dans le genre homo. Et vendredi, bien, ce sera un vendredi science-fiction. Nous reviendrons sur les multiples adaptations du chef-d'œuvre d'H.G. Wells, La guerre des mondes. Demain à 16h, c'est Étienne Klein et la conversation scientifique. On se retrouve lundi jusqu'à preuve du contraire.